Troisième temps de notre série sur Marseille. Aujourd'hui, jour des archives, nous sommes mercredi, le passé industriel de Marseille. C'est une histoire passionnante dont nous allons vous parler ce matin, passionnante et méconnue, celle d'une grande capitale industrielle qui n'a jamais été considérée comme telle. Et pourtant, Marseille, outre son port, fut bien une grande ville industrielle depuis au moins le XVIIIe siècle où furent transformées nombre de matières premières agricoles, mais développées aussi le marché de la construction, de la métallurgie, de la pétrochimie ou encore de la chimie. C'est ce que nous verrons avec nos trois invités, avec Jean-Michel Minovez, il est professeur à Toulouse, Jean Jaurès, il est auteur de l'industrie invisible aux éditions du CNRS, et avec deux invités qui seront en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Aix-Marseille. Nous remercions d'ailleurs ces studios de les y accueillir. Xavier Domalin, il est professeur d'histoire contemporaine à Aix-Marseille, il est auteur d'une thèse sur le patronat marseillais entre 1880 et 1930, publiée aux presses universitaires de Provence en 2014. Et Fabien Bartolotti, il est doctorant en histoire contemporaine et ses travaux portent sur les milieux d'affaires et les milieux industriels marseillais. Bonjour à vous Jean-Michel Minovez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous Fabien Bartolotti. Bonjour. Et bonjour à vous Xavier Domalin. Bonjour et meilleurs vœux. Tous mes vœux, effectivement. Nous sommes le troisième jour de l'année. On peut encore se le dire, effectivement. Xavier Domalin, cette ville de Marseille dont je viens de dire qu'elle était presque méconnue au point de vue industriel, est industrielle selon vous depuis quelle date, depuis quel moment ? Alors déjà au XVIIIe siècle, c'est une ville qui produit évidemment pas mal de produits manufacturés et qui les exporte aussi, mais c'est surtout au XIXe siècle avec l'énergie vapeur que véritablement la fonction industrielle du port s'affirme et se développe. Elle connaîtra une nouvelle impulsion au cours de ce qu'on appelle dans notre jargon la deuxième industrialisation dans les années 1890-1920. Et tout ce système-là s'effilochera, disparaîtra en tout cas pour le rôle des grandes familles dans les années 1960-1990. Alors, sur ce point, Jean-Michel Minovez, c'est aussi un lieu de débouché d'une industrie qui est un tout petit peu plus lointaine. C'est une industrie du Sud, c'est une industrie du Midi, sur laquelle vous avez fait votre travail, vous aussi, qui s'appelle l'industrie invisible aux éditions du CNRS. C'est cette industrie très dispersée au pied des Pyrénées, jusqu'au Languedoc, jusqu'à la région de Narbonne, de Montpellier, et peut-être même jusqu'au Rhône. Industrie très dispersée, qui est l'industrie de la laine et de la transformation lainière, dont Marseille sera un des très grands débouchés. Oui, en fait, le sud de la France, ce qui était la région du Languedoc, qui courait de Toulouse jusqu'au Rhône, était une grande en fait région industrielle au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle aussi méconnue. Et aussi méconnue. Et où on fabriquait une quantité considérable en fait d'étoffes de laine que l'on appelle des draps, des londres, des londrins, alors, des pinchinas et tout un tas de choses comme ça. Voilà, alors il y avait des gammes de produits extrêmement fins comme les mahouts, les londrins premiers, des gammes intermédiaires comme les londrins seconds, puis des productions beaucoup plus secondaires comme les drogués, les pinchinas, etc. Effectivement. Et la caractéristique des londrins, des mahouts, c'était qu'ils partaient presque en totalité pour les marchés du Levant, de l'Empire ottoman, par le biais des négociants de Marseille. Et ça, c'est une caractéristique très forte de ce port qui a réussi à créer un système de réseau dans les échelles du Levant, qui étaient les ports principaux du Levant, tout particulièrement Smyrne, Constantinople, Alep, Alexandrie, pour citer les principaux, mais je pourrais en citer d'autres. Et à partir de là, en fait, les draps qui étaient vendus du Languedoc qui passait par Marseille étaient diffusés en fait dans cet empire. Alors vous parlez d'industrialisation pour ce piémont des Pyrénées, pour cette région languedocienne et pour cette région qui va jusqu'au Rhône, jusqu'à Beaucaire et aux alentours justement de Marseille. C'est vrai qu'il a fallu pour votre travail, en l'occurrence Jean-Michel Minovez, convaincre vos collègues même qu'il y avait là une industrie parce que c'était réparti sur des toutes petites structures, sur des dimensions très, très grandes. Et on ne peut même pas parler, comme on parle en Italie, de district industriel, mais vous parlez, vous, de territoire industriel qui s'étend sur une très grande surface et qui, vous l'avez dit, a pour déboucher en grande partie, justement, ce port de Marseille dont on va reparler avec nos deux autres invités, Jean-Michel Minovez. Oui. En fait, quand on parle d'industrie, on a une image extrêmement contemporaine de la chose et qui est liée au processus qui s'est développé dans les grands centres industriels, les grands bassins industriels des 19e et 20e siècles. C'est-à-dire un lieu de concentration de main-d'œuvre, de concentration de technologie, très visible dans l'espace, et donc d'industrie fortement intensive en capitaux et en main-d'œuvre. Ce que je décris aussi bien pour l'époque moderne que pour l'époque contemporaine, c'est une industrie beaucoup plus diffuse, qui mobilise des capitaux qui sont essentiellement des capitaux familiaux ou des capitaux de banques locales, donc qui apparaissent, qui sont invisibles aux yeux souvent de ceux qui étudient l'industrie, et qui ne permettent pas, si on passe par ce type d'analyse, de mesurer en fait l'intensité en fait d'un phénomène de production, qui est un phénomène effectivement de production qui se situe disséminé dans l'espace. Alors c'est vrai que j'ai plutôt utilisé le terme de territoire industriel plutôt que de district, qui est le modèle italien. En fait pour décrire ce qui s'est passé dans la troisième Italie, mais parce que simplement ça n'obéit pas tout à fait au même modèle. Voilà. Alors justement, il y a un point commun entre vos travaux, ceux de Jean-Michel Minovez et ceux que vous dirigez et que vous faites vous-même, Xavier Domalin, c'est de remettre en question justement de façon très sensée, pourrait-on dire, cette question de l'industrie et de l'industrialisation, puisque vous remontez, comme vous venez de le dire, Xavier Domalin, au XVIIIe siècle pour vos propres travaux. Et effectivement, il y a là des petites entreprises qui sont très peu nombreuses, avec peu d'ouvriers parfois, mais qui sont déjà, selon vous, les prémices d'une industrialisation qui va se développer au XIXe siècle, à un rythme très varié, avec des grosses entreprises très concentrées, comme celle que vient de décrire à l'instant même Jean-Michel Minovez, et d'autres qui resteront des petites entreprises, un réseau de petites entreprises, et qui participent pourtant à l'industrialisation de la ville de Marseille et de son arrière-pays. Oui, tout à fait. Et je crois qu'une des raisons de l'invisibilisation de cette industrie marseillaise est liée aussi aux branches motrices de cette industrie. On a eu tendance à l'étudier à partir de critères qui étaient ceux de l'Europe du Nord ou du Nord-Ouest. Donc on attendait la grande industrie textile, on attendait la métallurgie, on attendait les compagnies minières. Et dans le port de Marseille, on avait essentiellement des usines qui travaillaient des produits agroalimentaires, le sucre, les céréales. On avait aussi des huileries et des compagnies de navigation. Donc ces branches motrices qui étaient un peu différentes et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres villes du bassin méditerranéen ont fait qu'on a sous-estimé cette industrialisation, en plus de ce que vous avez souligné. Et je me permettrai de rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, c'est que la puissance du réseau qu'il décrit explique qu'il y a très peu d'industrie textile à Marseille pendant la même période. Oui, ça c'est extrêmement intéressant, cette invisibilisation, parce qu'on a toujours considéré, depuis même l'invention du terme de révolution industrielle, Jean-Michel Minovez, que cette révolution industrielle s'était passée au nord et que d'une certaine façon, on a négligé qu'au sud, et en particulier au sud de la France, que ça soit dans votre midi à vous, entre Toulouse, Bayonne, Montpellier, etc., et Narbonne, et ou dans le midi, la Provence en l'occurrence, eh bien, il n'y avait pas véritablement d'industrie. Et il faut remettre de nouvelles lunettes, et c'est ça qui est absolument passionnant, pour pouvoir comprendre que cette industrie, bien que disséminée, bien que comportant beaucoup de capitaux familiaux, est bien une industrie, simplement, qui n'est pas le même modèle que celui de l'Europe du Nord, comme vient de le dire à l'instant même Xavier Domalin. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie est le fruit de sociétés, et de sociétés qui exercent un type de relation particulière avec leur environnement immédiat. Et donc, les avantages que l'on appelle comparatifs d'un certain midi ne sont pas ceux d'un nord de la France ou d'un est de la France. Mais ça ne veut pas dire que la voie que prend l'industrie et l'industrialisation d'ailleurs au 19e et au 20e siècle n'est pas originale et ne produit pas non plus de la valeur ajoutée en grand nombre. J'ai souvent cité l'exemple en fait de l'étude que j'ai pu faire justement sur l'industrie drapière des Pyrénées au 19e et 20e siècle dans la région du Pays d'Olme, l'Avelanais et la Roque d'Olme. Rien qu'en prononçant ces mots, je sais que la majorité des auditeurs ne sauront pas du tout où ça se situe. Mais si je leur dis que dans les années 1970, c'est le premier territoire de production du textile d'habillement de la laine en France, devant Roubaix, là peut-être que ça leur parlera. Et donc, on a un processus en fait de développement qui s'opère sans qu'on ne s'aperçoive de rien. Voilà. Alors après, si je peux rebondir juste sur la question marseillaise, pourquoi au XVIIIe siècle aussi pas d'industrie ? Marseille, au fond, c'est un port, il est ouvert sur l'extérieur, il bénéficie aussi au XVIIIe siècle d'une ouverture extraordinaire au marché des îles aussi. Et pas de l'Amérique, pas simplement la Méditerranée. Pas seulement la Méditerranée. Et puis, ce qui est une faiblesse pour Marseille, il n'y a pas d'arrière-pays qui puisse nourrir en fait une industrie marseillaise. J'aurais pu vous parler de l'industrie de la toile quand même, qui était. Allez-y. Voilà. Il y a Olivier Raveux, hein, que Xavier Dolan connaît très bien. Avec qui il a beaucoup travaillé. Voilà. A décrit justement l'émergence de l'indiénage à Marseille, plus que l'émergence, c'est-à-dire une véritable industrie de l'indiénage au XVIIIe siècle. Alors, rappelons que les Indiennes sont ces toiles justement inspirées de ces toiles de coton indiennes et qui ont été interdites en particulier pendant tout le règne de Louis XIV et qui a favorisé un grand trafic, pourrait-on dire, autour de ces toiles-là et qu'il y a eu ensuite autorisation de recréer des Indiennes sur le territoire national, que ce soit d'ailleurs à Lorient ou que ce soit en Méditerranée du côté de Marseille. Alors justement, c'est que Marseille est un cas tout à fait particulier. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il arrive d'énormes quantités de toiles blanche de coton depuis le Levant jusqu'à Marseille. Et Marseille va obtenir ce privilège qui est, pendant l'interdiction en fait des Indiennes en France, de pouvoir en produire à Marseille. Et donc du coup, on a une industrie de l'Indienne, des Indiennes qui se développe à Marseille, mais qui à partir de la fin de la Prohibition, bien cette industrie s'effondre parce que Marseille n'a pas su à ce moment-là s'adapter. Alors ça, c'est intéressant. Marseille n'a pas su, parce que quand on vous lit, Xavier Domalin, dans votre travail remarquable sur le patronat marseillais, vous partez des idées reçues sur cette industrie marseillaise. Et vous dites souvent que c'est comme cela qu'ont parlé vos prédécesseurs, les spécialistes de l'industrie marseillaise des années précédentes, que ce soit des géographes comme Marcel Roncaiolo, que ce soit Louis Pierrin, auteur des industries du port de Marseille, toujours disant qu'au bout du compte, eh bien, cette industrie marseillaise et ces industriels marseillais n'avaient pas su s'adapter aux contraintes ou aux renouvellements. Or, ce que vous tentez de montrer, c'est qu'il y a eu d'abord une première industrialisation marseillaise au 19e siècle, dites-vous, très importante, très, très forte, en particulier avec l'arrivée de la vapeur. Et puis ensuite, une deuxième industrialisation à partir des années 1880 et de la fin du 19e siècle. Et que ces industrialisations ont été justement des industrialisations où les industriels ont su tirer parti des opportunités qui leur étaient fournies, même si on n'a pas voulu le voir ensuite. Tout à fait. Il y a une sorte de légende noire sur le rôle des grandes familles bourgeoises marseillaises vis-à-vis de l'industrie, que ce soit pour la première ou la deuxième industrialisation. Et on peut avancer une explication à ça, notamment par rapport à la deuxième industrialisation, c'est que la plupart des collègues qui ont écrit sur cette période-là l'ont fait pendant les années 1960-1990, où la plupart des fleurons de l'industrie marseillaise disparaissaient. C'est ça. Voilà. On considère que dans ces années-là, Marseille a perdu la moitié de ses actifs industriels. Donc il y a eu une sorte d'effet, je pense, de sidération par rapport à l'importance du phénomène, au drame social que cela pouvait poser. Et donc, on s'est interrogé sur les raisons de cet effondrement et on a regardé la deuxième industrialisation en ne pensant qu'au dysfonctionnement qui avait pu amener à cet échec. Et du coup, on a écarté toute la richesse du champ des possibles parce qu'en réalité, cette deuxième industrialisation, elle est aussi riche que la première à Marseille. Alors, on va écouter une première archive, si vous voulez bien. Elle date du moment où Marseille est encore un très grand port industriel. Il y a des émissions sur la radio nationale en 1952 qui tentent d'expliquer ce qu'est justement la France industrielle. Et cette émission, à la recherche des temps perdus, se rend sur le port de Marseille. On écoute un extrait de cette émission de 1952. À l'heure actuelle sur un quai. Devant moi sont deux bateaux, le Cavalaire et le Mont Everest, tous les deux de Marseille, qui appartiennent à quelle compagnie ? Société Générale de Transport Maritime à Affaires. Je suis à la côté de M. Bessaillant, qui est directeur de la Société Générale de Transportement Maritime. Cette société est une société dite d'aconnage. Je vais demander à M. Bessaillant ce que c'est exactement que l'aconnage. L'aconnage est une opération d'embarquement et débarquement d'un navire. Le mot aconnier vient d'un vieux mot français. Acon, qui était un bateau à pont plat, on débarquait les marchandises sur ces acons et ensuite la marchandise était débarquée de ces chalands à quai. Ah oui. D'où le mot aconnier. À Marseille, l'aconnage est un peu spécial, étant donné que l'aconnier se charge d'opérations de débarquement et ensuite de classement, de gardiennage et de livraison. Vous avez énormément de marchandises, vous n'avez pas, c'est un port de marchandises très divers. Marseille, c'est un port essentiellement divers. Oui, et donc, là sur le Cavalaire, vous êtes en train de décharger quoi? Alors, sur le Cavalaire, 9800 tonnes de sucre en provenance des Antilles. Ah bon? Qui sont destinées à la consommation française. Qui sont destinées à la consommation française et qui sont immédiatement sont prises sur quai, retirées du quai pour être menées aux raffineries de sucre Saint-Louis à Marseille d'ailleurs, qui raffinent sur place. Voilà donc pour ce reportage du 24 mai 1952 dans le port de Marseille. Xavier Domalin, comme nous le disait tout à l'heure Jean-Michel Minovez et comme vous le disiez aussi, eh bien ce port il est ouvert non seulement sur la Méditerranée mais il est ouvert aussi sur l'Atlantique et sur les Antilles et c'est pour cela qu'on va y transformer, ça sera une des grandes industries de Marseille au 19e siècle, on va y transformer en particulier la canne. Le sucre pour le raffiner sur place dans deux grandes usines parce que ça sera une des particularités que d'avoir deux très grandes raffineries sur la région marseillaise qui vont transformer ce sucre et le destiné à la consommation française. Absolument, et d'ailleurs bientôt ce sera plus qu'une usine avec l'usine de Saint-Louis, donc le sucre des Antilles mais aussi les oléagineux de l'Ouest africain, de l'océan Indien, donc véritablement Marseille pendant presque 200 ans, attire des matières premières agricoles venues du monde entier, les transforme et les réexpédie. Alors c'est les minoteries, c'est la raffinerie de sucre, c'est la distillerie, etc. La distillerie, l'huilerie, etc., etc. Absolument, et c'est vraiment un pilier très important du port de Marseille pendant, disons, de la première moitié du 19e siècle jusque aux années 60-90. Avant que là, on ait une nouvelle donne qui se mette en place, on a des pays émergents qui s'industrialisent eux-mêmes, qui travaillent eux-mêmes leurs produits agricoles, et donc la fonction de transformation du port de Marseille s'effiloche et disparaît pour d'autres activités. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va créer, comme souvent c'est le cas, pour le besoin de l'industrie marseillaise, on va spécialiser des productions, en particulier dans l'Ouest africain. Vous expliquez que à partir du moment où on va inventer un nouveau procédé pour pouvoir transformer la soude, et ça sera à Marseille qui sera appliqué de façon très systématique à partir du 1er 19e siècle, Xavier Domalin, eh bien il va falloir faire de meilleurs savons qui sont concurrencés par les savons britanniques en particulier, y introduire une matière grasse végétale, et cette matière grasse végétale outre l'huile d'olive, ça sera bien évidemment l'arachide. Et donc, les industriels marseillais vont investir massivement en Afrique de l'Ouest la fabrication, la plantation d'arachide. Absolument, arachide, huile de palme et palmiste, donc du Sénégal jusqu'au delta du Niger. Et donc là, on a véritablement un boom commercial qui se met en place, hein, parce qu'on a des dizaines de milliers de tonnes d'oléagineux qui sont importés à Marseille, transformés en huile, transformés en savon, parfois en beurre végétaux. Et tout ça fonctionne pendant plus d'un siècle. Ça veut dire aussi qu'il y a une dimension coloniale dans ces échanges, puisqu'évidemment, là, les entrepreneurs marseillais sont confrontés à des colonies anglaises, à des colonies françaises, à des colonies allemandes. Et donc, la dimension coloniale devient très forte dans le port de Marseille. Oui, et si par hasard, on n'arrive pas à utiliser toute cette matière première, eh bien, on va la transformer autrement. On va créer des stéatineries, c'est-à-dire des fabriques de cierges et de bougies au 19e siècle, et qui vont utiliser une partie des déchets qu'on n'a pas utilisé pour le savon. Et ça va donner, par exemple, une marque connue de tout le monde qui s'appelle la marque Le Chat. Ce sont les fabriques Fournier en particulier qui font cela à Marseille. Oui, Fournier Ferrier qui va être leader national et pendant un temps leader mondial dans la fabrication de ces produits. Et détail aussi intéressant, c'est que cette fonction du port de Marseille permet de mettre en relation des territoires qui n'étaient pas en contact. Je pense par exemple à l'Indochine et l'Afrique. Le fait d'importer du riz indochinois à Marseille, de le transformer, de le rendre ensuite, de l'expédier vers l'Ouest africain pour nourrir les paysans qui vont produire des oléagineux qui vont revenir à Marseille, on est là dans un système économique impérial qui tourne autour de Marseille et qui fait la prospérité de Marseille dans ces années-là. Alors, ce que vous expliquez bien, Xavier Daumalin, c'est qu'il n'y a pas simplement ces industries traditionnelles de transformation agroalimentaire que sont donc les minoteries, les raffineries de sucre, les distilleries, les huileries à Marseille qui remontent au XVIIIe siècle, mais il y a aussi des nouvelles industries qui profitent de ce boom industriel du XIXe siècle. Et là, votre travail est tout à fait remarquable. Il nous explique qu'il y a l'industrie chimique, évidemment, qui s'est déjà développée pour en particulier cette soude qui est nécessaire pour faire le savon, mais aussi la métallurgie, la construction mécanique, la verrerie, et puis tout ce qui concerne le bâtiment, travaux publics. Tout cela, ça va se développer avec une sorte de très grande férocité entre les intervenants tout au long du 19e siècle à Marseille. Oui, et puis vous savez, souvent on a le sentiment que l'entrepreneur méditerranéen préfère avant tout le commerce, les emprunts d'État, et on considère que l'industrialisation c'est pas quelque chose qui l'attire énormément. Or là, on a des familles qui investissent massivement dans toutes les innovations du 19e siècle, dans la première et la deuxième industrialisation, notamment on les retrouve dans l'automobile, dans l'aviation, le premier hydravion a volé à Marseille en 1910, donc on les retrouve dans le pétrole, dans l'électricité, donc il y a véritablement un engouement pour cette fonction industrielle qui va à l'encontre de toutes les représentations concernant Marseille, l'homme méditerranéen et la Méditerranée en général. Et puisque vous évoquez justement cette question de l'aéroplane et de l'aviation, eh bien, une autre archive qui montre aussi ce moment de doute de Marseille par rapport à sa propre industrie, c'est une archive qui date de 1967. On se souvient peu qu'avant 1968 et avant la grève générale de 1968, il y a eu de très grandes grèves qui se sont déroulées pendant toute l'année 1967. C'était le cas à Sud Aviation. À Marignane. Ceci est pour le journal Parler. Ici Marseille, ici Violette Bonfils. Cet après-midi, la petite ville de Marignane, aéroport de Marseille, ressemblait à un immense parking. 2000 ouvriers horaires de l'entreprise Sud Aviation étaient venus de la campagne environnante à bord de plusieurs centaines de voitures pour une importante manifestation de protestation. Ils ont défilé pendant une demi-heure et se sont ensuite dispersés sans incident. Leurs responsables syndicaux se sont alors rendus à la salle Saint-Exupéry pour y tenir une conférence de presse. Le thème principal de cette conférence de presse était la situation aéronautique et particulièrement celle de Marignane où Sud Aviation emploie 5700 ouvriers, techniciens et ingénieurs. Depuis 5 semaines, le conflit qui les oppose au gouvernement traduit leur crainte de voir l'entreprise nationale faire des compressions massives de personnel. Selon les grévistes, un travailleur sur 6 pourrait être licencié et 1907 risque donc d'être une année critique. Les organisateurs de la conférence de presse de Sud Aviation déposent en ce moment leurs conclusions avant la réunion qui se tiendra demain à Paris. Ici Marseille, à vous Paris. Bien entendu, c'était 1967 et non pas 1907, comme le disait cette journaliste pour la Radio Nationale en 1967. Vous expliquez aussi, Xavier Daumalin, que les visiteurs, les gens qui descendent par le train, par exemple, au 19e siècle vers Marseille, ne les voient pas vraiment, ces industries. C'est-à-dire que une grande partie, c'est le titre du livre de Jean-Michel Minovès sur l'industrie invisible, une grande partie de ceux qui rejoignent la côte à partir du moment où cela est possible par le chemin de fer, ne voient pas cela. C'est-à-dire qu'on y voit essentiellement le vieux port, la Canebière, les Calanques, le bord de mer. mais pas le fait que cette ville et tout ce qu'il y a autour, toute la région alentour, est une grande ville industrielle française, Xavier Domalin. Et pourtant, l'industrie était là. Et puis, cette industrie, n'oubliez pas, elle avait un autre élément qui la rendait très présente, c'est sa pollution. Ah oui, vous êtes spécialiste de la pollution industrielle. Voilà, ouais. C'est un thème qui m'est cher. Et il faut savoir que, par exemple, en 1850, l'industrie marseillaise consomme 100 000 tonnes de lignite. Ça équivaut au rejet de 45 000 tonnes de SO2 et 250 000 tonnes de CO2. Donc, on est dans un smog. Hein, on se plaint aujourd'hui du balai des navires qui rejettent énormément de fumée, évidemment, avec leur consommation de fioul. Mais lorsque la navigation à vapeur s'impose dans Marseille à partir des années 1830, c'est exactement le même problème, avec des façades noircies, etc. Donc cette industrie, elle est là, on devrait la voir, on la sent en tout cas, et elle a un impact environnemental visible, qu'on peut difficilement occulter. Alors, une industrie... le poids des représentations est fort. Oui, c'est ça. Une industrie aussi qui bénéficie et qui attend même avec une certaine impatience l'ouverture du canal de Suez. Fabien Bartolotti, vous avez travaillé sur les milieux d'affaires marseillais, et dans votre travail de Master 1, qui était d'ailleurs sous la direction de Xavier Domalin, avec lequel vous vous trouvez dans le même studio à Aix-Marseille, vous citez le sémaphore de Marseille en 1830 qui dit « Viendra sans doute un jour où l'isthme de Suez cessera d'élever une barrière entre la Méditerranée et la mer Rouge. De beaux jours seront alors réservés au commerce de la France. Marseille pourrait devenir l'entrepôt du monde, rien que cela ». Oui, effectivement, le canal de Suez a représenté pour les milieux d'affaires marseillais, je dirais, un espoir de voir se développer dans l'interland marseillais également des industries de transformation. On peut penser également à la dynamisation, grâce à ce canal de Suez, du trafic de marchandises diverses, on l'évoquait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est aussi le canal de Suez qui a joué un rôle de mise en connexion des différentes composantes de l'économie marseillaise en matière de trafic colonial. On en parlait tout à l'heure, hein, cette importance du trafic colonial pour les Marseillais, elle s'est réalisée aussi et en grande partie grâce au canal de Suez. Oui, et ce ne sont pas forcément d'ailleurs des Marseillais d'origine qui sont les grands entrepreneurs de ces années-là. Vous avez travaillé sur la famille Dussault. Cette famille Dussault, ce sont des Girondins passés par le Vaucluse, arrivés au milieu du 19e siècle, Fabien Bartolotti à Marseille en 1845, et qui dès 1848 commence à remporter, alors qu'ils sont des maçons spécialisés dans la construction de ponts, commence à remporter des marchés, mais pas simplement à Marseille, à Cherbourg, à Alger, et puis ensuite au moment du creusement du canal de Suez, à Port Saïd et sur les rives de la mer Rouge. Tout à fait, c'est une entreprise là encore familiale qui est caractéristique de cette, je dirais, première phase d'industrialisation marseillaise. Une entreprise familiale de taille modeste au début, on pourrait même dire artisanale, qui développe progressivement un savoir-faire portuaire en matière donc de construction de jetées, de creusement de bassins, un savoir-faire qui va s'exporter sur les rives de la Méditerranée et effectivement qui va contribuer aussi à la renommée du génie civil français au-delà de l'espace national. Jean-Michel Minevès, qu'est-ce que ça change justement de s'intéresser à la question industrielle au 18e et 19e et même 20e siècle en changeant de focale, c'est-à-dire en redescendant très bas, en faisant presque de la micro-histoire et justement en abandonnant les images que l'on se fait habituellement du financement international par les PRR ou par d'autres des grands travaux, et en regardant comment eh bien ce peuvent être des notaires, comme nous l'avait d'ailleurs raconté Catherine Vigna il y a quelque temps à propos du Moyen-Âge, justement dans cette même région du Piémont pyrénéen. Donc des notaires, ce sont des bouchers parfois qui sont les financeurs de ce début d'industrialisation au 14e, 15e siècle, et cette industrialisation que vous connaissez vous-même à l'époque moderne, au XVIIe, XVIIIe siècle. Oui, je trouve que de citer Catherine Verna, je trouve que c'est très, très intéressant, parce que justement, elle intitule son ouvrage... L'industrie au village. Voilà, l'industrie au village. Donc, elle était venue il y a un mois et demi pour nous en parler. Donc, elle reprend en fait un titre qu'elle modifie du pouvoir au village, et elle ose le titre industrie au village pour la période, la période de la fin du Moyen Âge. Et donc du coup, elle redéfinit en fait le terme d'industrie, et dans le sens en fait que nous pouvons utiliser, tel que nous pouvons l'utiliser pour la période moderne. Alors pour répondre à votre et même à l'époque contemporaine d'ailleurs, pour le 19e siècle notamment, pour répondre à votre question, l'intérêt d'aller au ras du sol, là encore, pour reprendre la terminologie de la micro-histoire, ben c'est de faire l'histoire des acteurs aussi, et c'est de ne pas prendre quelques exemples très significatifs comme les Pereire pour en tirer de grandes généralités selon des systèmes de raisonnement hypothético-déductif, mais bien d'être dans la méthode inductive. On part du sol, on regarde comment ça se passe concrètement, et là on découvre en fait des mécanismes qui jusqu'alors nous échappaient. Et c'est comme ça, si je reprends l'exemple justement de Marseille qui vient d'être là ici développé longuement, c'est comme ça qu'on comprend comment on est passé d'une ville qui était une ville d'abord qui était une ville de circulation par rapport à un objectif de consommation de population européenne de produits bruts qui étaient tirés de l'Empire ottoman, des îles de l'Amérique, et qui n'était pas transformé parce que la richesse commerciale permettait de ne pas rentrer dans cette logique de transformation, à un 19e, un 20e siècle où on passe d'une logique de circulation en consommation à une logique de production. Et oui, c'est toute la particularité de Marseille telle que vous le décrivez, Xavier Domalin ou Fabien Bartolotti. Mais il faut, par exemple, pour ça, qu'on ait des ingénieurs, et vous traquez justement au plus bas de l'échelle dans toutes les entreprises. Vous allez voir s'il y a des gens qui ont fait des arts et métiers et qui, d'une certaine façon, vont déposer des brevets. Et vous en trouvez, évidemment, de ces gens-là, Xavier Domalin. Oui, surtout pour la deuxième industrialisation, parce que pour la première, les entrepreneurs marseillais avaient un système qui était très efficace, c'est-à-dire qu'ils pouvaient compter sur un petit artisanat local assez performant pour tout ce qui était petite machine à vapeur, par exemple, et dès qu'ils avaient besoin d'avoir accès à une technologie plus sophistiquée, comme les machines marines sur les paquebots ou comme les locomotives, ils faisaient venir des meilleurs techniciens britanniques qu'ils embauchaient à prix d'or, et c'est ainsi que sont venus à Marseille Philip Taylor, John Barnes, qui est le co-inventeur de l'hélice marine, et ne l'oublions pas, la famille Stephenson, qui a inventé la locomotive et qui vient à La Ciotat monter un atelier de locomotive pour le chemin de fer Avignon-Marseille. Donc, il pouvait jouer sur différentes palettes. Et c'est vrai qu'ensuite, au cours de la deuxième industrialisation, beaucoup d'entrepreneurs vont davantage se former dans des écoles d'ingénieurs. Si vous permettez, je voudrais rebondir sur cette notion de village industriel qui est très importante aussi pour Marseille. Parce que Marseille ne vit pas en vase clos. Marseille est en relation avec des tas de petits villages industriels dans la Provence, mais aussi tout le long du littoral. Oui, oui. Et vit en symbiose avec ces villages industriels. La Bédoule. Exactement, il y a des systèmes productifs sur le ciment, sur la tannerie, sur les tuileries, etc. Et c'est vraiment la caractéristique de ce port. Et Fabien Bartolotti, pour autant, il ne faut pas oublier la dimension mondiale sur laquelle vous travaillez vous-même, c'est-à-dire il faut toujours articuler ces échelles, une échelle extrêmement locale, telle que vient de le décrire Jean-Michel Minovez ou encore Xavier Domalin, et une échelle mondiale avec l'ouverture du canal de Suez, les opportunités que cela peut offrir à chacun. Et donc, dans cette capacité à changer d'échelle, eh bien, on découvre comment se finance, comment se développe une industrie marseillaise au 19e siècle en particulier, Fabien Bartolotti. Oui, c'est vrai que le changement d'échelle renvoie à la question également des stratégies d'acteurs, et ces acteurs, on a parlé tout à l'heure de leur peut-être de leur incapacité parfois à s'adapter, hein, c'était un petit peu le leitmotiv, je dirais, de certaines représentations concernant les milieux d'affaires marseillais. Mais en fait, on s'aperçoit que dans certains secteurs et en particulier plus on avance vers le 20e siècle avec l'internationalisation de certains secteurs, notamment celui du pétrole, plus on constate que ces milieux d'affaires marseillais, s'ils ne sont plus présents en termes de financement dans ces secteurs-là, ils le sont en termes de stratégie, en termes d'investissement, je dirais, d'engagement et de défense, surtout de la place portuaire face à des concurrences internationales. Et vous nous expliquez, Xavier Domalin, par exemple, l'importance de financement des Grecs de Marseille. On avait déjà consacré, il y a maintenant presque 20 ans, une émission aux Grecs de Marseille, ici même, mais vous avez avez retrouvé des archives inédites, qui sont d'ailleurs très utiles pour l'historien que vous êtes, de Zarifi et Zafiropoulos, qui sont deux familles qui se sont alliées et qui étaient au départ, évidemment, sur la sphère ottomane et qui se sont progressivement installées à Marseille au point de devenir des financiers du capitalisme industriel méditerranéen, d'où on vous affirmait, Xavier Domalin, qu'il existe bien. Oui, et ils ont été véritablement au cœur de la deuxième révolution industrielle à Marseille et dans pas mal de pays du bassin méditerranéen. Ils sont encore présents aussi à Liverpool, ils sont à Odessa, ils sont à Trieste, à Paris et à Londres et à Marseille. Absolument, et donc ils contribuent à intégrer Marseille dans ces réseaux d'échanges mondiaux, mais on les retrouve dans des secteurs auxquels on n'attendrait pas finalement dans les représentations traditionnelles des entrepreneurs méditerranéens. On va les retrouver dans l'automobile, on va les retrouver dans le pétrole, on va les retrouver dans l'électricité, donc dans le BTP. Donc on les attendrait plutôt dans les céréales, dans le négoce, etc., ou dans les emprunts d'État. Mais non, ils sont là véritablement dans les poids lourds de la seconde industrialisation. Et une des plus belles aventures, peut-être, c'est la famille Zafiropoulos avec la firme Schneider à Lyon, hein, puisqu'ils ont présidé cette entreprise pendant très longtemps et qui a été un grand succès dans l'automobile. Hein. Mais voilà, on pourrait citer des tas d'exemples. Ça remet en question finalement ces représentations traditionnelles, cette sorte d'essentialisation finalement des entrepreneurs en fonction des régions. Oui, en particulier ce que certains historiens avant vous avaient appelé l'attitude rentière méditerranéenne. Absolument. C'était Maurice Lévy-Leboyer par exemple qui le disait. Et vous n'êtes pas d'accord non plus, Jean-Michel Minoves, sur cette question de cette attitude rentière supposée méditerranéenne, opposée évidemment au capitalisme rhénan, enfin ce capitalisme de l'Europe du Nord qui a été tant vanté en particulier dans les années 70 et 80. Non, et ça va même parfois plus loin, on parle même de trahison des élites, de tout. Donc, il y a simplement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, une adaptation en fait des hommes en fonction de l'environnement qui est le leur, au moment où se pose la question de savoir faut-il investir ou ne faut-il pas investir dans l'industrie. Et ils vont mesurer en fait l'intérêt qu'il y a à un moment donné de choisir tel ou tel type d'activité. Mm-hmm. Quand vous avez un marchand fabricant, un producteur de textile de la fin du 18e, début du 19e siècle, qui décide d'arrêter l'industrie textile et d'investir dans la terre, il le fait non pas parce qu'il abandonne l'industrie, mais parce que tout simplement, produire du blé rapporte beaucoup plus que produire du textile. Donc c'est une logique rationnelle au moment où il prend la décision. Et capitalistique. Et ensuite, quand on retrouve ces gens-là qui ont accumulé de l'argent et qui, dans des sociétés de famille ou dans des sociétés en non-collectif, amènent le capital à un jeune entrepreneur qui, lui, n'a pas d'argent, mais a des idées et a envie de lancer sa petite affaire industrielle, eh bien ces gens-là, ils participent au financement concret en fait de l'industrie. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on écoute les archives, comme j'ai pu le faire hier, donc qui parlent de ce passé industriel de Marseille dans les années 50 et dans les années 60, en particulier Xavier Domalin, eh bien, on découvre une petite musique qui vient essentiellement des dirigeants nationaux, des dirigeants du gouvernement français de l'époque, et en particulier du début de la Ve République, qui dit, voilà, oui, alors on aimerait bien faire en sorte que se développe l'industrie à Marseille, mais enfin, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas très aidé par les élites locales qui ne nous aident pas. Et donc, c'est l'État qui doit prendre en charge tout cela. Exemple, Maurice Couve de Murville lors de l'inauguration du complexe pétrolier de Fos-sur-Mer, c'est en 1968. Voyons maintenant les affaires françaises. Monsieur Couve de Murville a inauguré hier, on le sait, le complexe pétrolier de Marseille-Fos. Le Premier ministre a rappelé dans son allocution les grands objectifs de l'aménagement du territoire, Alain Fernbach. Oui, l'autoroute Lille-Paris-Marseille sera terminée en 1970 et la liaison Rhin-Rhône-Méditerranée sera réalisée dans les délais prévus, c'est-à-dire en 1976. Monsieur Couve de Murville a accordé un entretien à notre collaborateur Jean Maz. Monsieur le Premier ministre, dans le discours que vous avez prononcé à l'issue du déjeuner sur l'Ancerville, un passage a été écouté par vos auditeurs avec une particulière attention. C'est quand vous avez évoqué l'éventualité de l'implantation d'une importante unité sidérurgique à Fos, une sidérurgie sur l'eau, comme on dit aujourd'hui. Mais vous avez laissé entendre que cette décision ne dépendait pas seulement de l'État. Pouvez-vous maintenant préciser davantage ce propos ? Oui, c'est vrai. J'ai parlé des perspectives de développement industriel de Foss et de la région, parce que en réalité, c'est la chose principale. Si on construit un grand port à Foss, c'est en partie, en grande partie, pour permettre d'y développer ensuite des industries. Alors, parmi ces industries, celles qui viennent d'abord à l'esprit sont naturellement les industries de base. Il existe déjà dans la région, et je pense à l'étang de Berre, une industrie pétrolière et une industrie pétrochimique qui est considérable. Et la suite naturelle serait qu'il s'installe à Foss une industrie sidérurgique. C'est surtout important en ce qui concerne l'emploi futur pour la région. C'est important en ce qui concerne l'emploi, certes. C'est important aussi comme base du développement industriel, parce que autour de la production d'acier, on peut imaginer le développement de toute une série d'industries de transformation des métaux. Je connais une grue sur le vieux port, avec des dents longues comme la faim, et qui dégrafe tous les marins, dont l'âme chagrine et le cœur d'or. C'est à Marseille que je vais la voir, quand le soleil se fout en tweed, et que le Mistral joue les caïdes, c'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit, et des froufrous qui font tant de bruit, qu'on les entend au bout du quai. Il suffit d'y mettre un peu de soie, c'est une putain qu'aime que la braise, et moi je l'appelle la Marseillaise, c'est bien le moins que je lui dois. Arrête un peu que je vois, si tu fais le poids. Un extrait de la Marseillaise de Léo Ferré, un titre de 1967, exactement concomitant avec la création de Foss-sur-Mer, qui était inaugurée en 1968 par le Premier ministre Couve de Murville, Maurice Couve de Murville, qui n'était pas très tendre vis-à-vis de ces élites marseillaises dont vous parliez tout à l'heure, Xavier Domalin. Oui, mais justement, un des apports, en tout cas je l'espère, de la thèse de Fabien Bartolotti, qui a eu accès à des archives inédites, qui sont celles du port de Marseille, c'est de montrer justement que cette histoire ne vient pas d'en haut, uniquement de Paris, mais que les élites locales ont très fortement joué pour obtenir cette création de Foss. Mais Fabien en parlerait beaucoup mieux que moi. Passez-lui la parole, il est à côté de vous dans le studio à Aix-Marseille. Allez-y, Fabien Bartolotti. Oui, alors effectivement, on parlait donc de la sidérurgie. Votre reportage évoquait cette question. C'est vrai que cette sidérurgie, c'est un rêve marseillais d'abord, hein, à la fin des années 50. Et certains milieux d'affaires marseillais, d'ailleurs, de l'huilerie, qui ont aussi occupé des places importantes à la Chambre de commerce. Vous voulez dire la famille Roux ? André Cordès. Voilà. Non, je pense plutôt à André Cordès, André Cordès. Ou encore à Édouard Rastoin. Mmh. Voilà, qui ont promu hein, cette idée d'un développement d'une sidérurgie littorale, notamment Édouard Rastoin, autour d'une société d'études sidérurgiques de Provence, qui notamment défend Marseille comme place d'implantation d'une sidérurgie littorale en lien, ou plutôt je dirais en parallèle avec l'installation d'une sidérurgie littorale à Dunkerque, la sidérurgie donc du Nord, hein, Usinor qui s'installe à Dunkerque à la fin des années 1950, eh bien Marseille veut également devenir une place sidérurgique importante dans un contexte où se développe, je dirais, l'idée que l'univers sidérurgique puisse se développer sur l'eau. C'est-à-dire, c'est un modèle qui est importé notamment du Japon. Oui, mais ce qui est quand même très intéressant, Fabien Bartolotti, c'est d'entendre un responsable aussi raide que l'est Maurice Couve de Murville, d'accuser d'accuser les élites locales de ne pas être assez actives, alors que vous nous dites que dans votre travail de thèse, que c'est justement ces élites locales qui ont été à l'initiative de ce port de Foss et cette sidérurgie sur l'eau. Qu'est-ce qui explique cette attitude hautaine du gouvernement français? Alors, il faut pas quand même forcer le trait, il faut quand même nuancer. Je dirais que c'est une conjonction d'intérêts. En fait, les milieux d'affaires marseillais tente de faire du lobbying auprès du pouvoir central, hein, auprès du gouvernement, auprès de Paris. Et c'est dans ces années justement 60 que ces voix sont entendues. Mais en même temps, pour le gouvernement, c'est un moyen de récupérer, si vous voulez, politiquement cette question industrielle, hein, dans un contexte qui est celui qu'on qualifie généralement de néo-colbertiste, avec donc le poids d'un État stratège fort, avec l'influence également de la théorie des pôles de croissance et donc de la concentration industrielle au bord des littoraux, d'industries capables de faire de réaliser ce qu'on appelle des effets d'entraînement, hein, donc de générer des emplois. Et donc c'est cette convergence d'intérêts là qui explique, qui est le moteur, qui est le facteur de cette implantation industrielle dans le golfe de Fos. Et je crois que il est difficile simplement de considérer que cette implantation industrielle est simplement le fruit, comme ça a pu l'être parfois, d'une politique nationale engagée par la DATAR. Il y a des relais locaux importants de cette politique industrielle, même si effectivement, sur le plan des financements, sur le plan des investissements, les milieux d'affaires marseillais restent, je dirais, tout de même à l'écart. C'est plutôt un rôle de lobbying, un rôle d'appui, de relais et de défense d'une place portuaire. D'autant plus que dans le même moment, les activités traditionnelles sont en train de s'effondrer. Donc pour eux, véritablement, c'est le moyen de sortir de cette crise. Oui, c'est un rôle de reconversion industrielle. Absolument. Qu'est-ce qui est intéressant pour aujourd'hui, en tant qu'historien, qu'est-ce qu'il est intéressant de noter justement dans cette volonté de redimensionner cette industrie du Sud, Jean-Michel Minovez? Vous avez travaillé sur les draperies, je rappelle, dans le Piémont pyrénéen et dans la région du Languedoc au 18e, 19e et 20e siècle. En quoi, justement, en tant qu'historien, réimaginer autrement ce qu'a été l'industrialisation de ce pays, et en particulier au Sud, est-il important? Si vous permettez, je souhaiterais rebondir sur ce qui vient d'être dit pour le cas marseillais. On peut exactement observer la même chose en ce qui concerne Toulouse. C'est-à-dire, vous avez tout un discours qui a été tenu sur le développement de l'aéronautique et de l'espace, fondé sur un système de déconcentration. Et bien avant Airbus, en l'occurrence. Voilà, c'est ça, déconcentration, décentralisation de l'industrie en direction de Toulouse, et que Toulouse, au fond, ne connaît un développement industriel que pour des raisons exogènes. En réalité, quand on fait l'étude telle qu'elle a été menée aussi à Marseille, on s'aperçoit de l'influence considérable déjà des petites industries toujours invisibles qui étaient déjà présentes et qui ont fourni en fait les bases de cette industrie que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a parmi l'influence aussi des élites, le rôle en fait de lobbying exercé par les industriels, il faut ajouter le rôle exercé par l'ensemble des élites, y compris celles administratives, intellectuelles, parce qu'en fait, le Midi, d'une manière large, c'est un lieu qui s'intègre très clairement dans la nation France, qui produit énormément d'intellectuels, d'universitaires, de cadres, que l'on retrouve dans la fonction publique, que l'on retrouve dans les ministères, et qui influencent les décisions d'État. Donc ça signifie, et ça on peut pas le considérer comme étant un processus exogène, c'est bien un processus endogène, et donc réinterroger en fait le rôle local dans le processus complexe en fait de décision de mise en place de nouveaux processus industriels conduit à réviser complètement en fait l'approche exogène du développement industriel. Xavier Domalin et Fabien Bartolotti sur ce point. Écoutez, moi je pense que la chance finalement de ces travaux qui ont été faits sur le Midi et donc sur le bassin méditerranéen aussi, c'est de montrer que les voies de l'industrialisation sont finalement multiples, que plus complexes qu'on ne l'imaginait, qu'il n'y a pas de modèle forcément prédominant partout, et tout ça est un enrichissement pour nos connaissances et peut-être aussi pour les modèles économiques. Oui, en particulier vous voulez dire des modèles économiques contemporains. Absolument. Fabien Bartolotti sur ce point. Oui, et puis on parle de modèle économique et je parlais tout à l'heure de théorie des pôles de croissance, mais qui est d'ailleurs développée nationalement à l'échelle de la DATAR. Mais il y a également une réappropriation, c'est ça qui est intéressant, par les milieux d'affaires locaux, de ces grands concepts, je dirais, nationaux. C'est le cas notamment du groupe Grand Delta, hein, qui est un groupe de pression, de défense de l'industrie méditerranéenne, qui est notamment piloté par une figure majeure, une figure emblématique des milieux d'affaires marseillais de la deuxième moitié du XXe siècle, la famille Terrain, et qui est donc spécialisée dans la réparation navale. Et donc, un groupe qui se réapproprie cette idée de grand delta, hein, de former un grand état industriel dans le sud de la France, dans le Midi, pour faire le contrepoint, en quelque sorte, d'une Europe du Nord industrialisée, et que l'on dit déjà à l'époque, bien en avance. Oui, la fameuse banane bleue, telle qu'elle a été décrite par certains géographes beaucoup plus tard. Xavier Daumalin, tout cela, cette réévaluation, ce travail que vous avez mené avec certains de vos étudiants, dont Fabien Bartolotti, à Aix-Marseille, n'a été possible et n'est possible que parce que vous possédez des gisements d'archives absolument extraordinaires qui ne sont pas tous encore connus, en l'occurrence. Et en particulier, ces archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille ne sont pas totalement explorées. Il y a encore des merveilles à y trouver. Et donc des capacités de renouvellement de la problématique sur cette industrialisation et ce commerce marseillais. Oui, alors c'est un travail que j'ai mené avec des étudiants, mais que j'ai mené aussi avec des collègues au sein de mon laboratoire, qui est l'UMR Telem, et je pense évidemment, il a été cité à Olivier Raveux, à Gérard Chassagnaré, à Philippe Mioche, etc. Et je crois que vous avez raison, un des grands apports de ces dernières décennies, c'est que nous avons eu accès à des archives privées, c'est-à-dire que les familles marseillaises ont accepté d'ouvrir leurs archives. Et évidemment, pour nous, c'est un apport considérable puisque ça nous permet de renouveler des pans entiers de cette histoire. Et ce que nous avons trouvé sur les Grecs de Marseille en est une parfaite illustration puisque cette famille a accepté de nous ouvrir ses archives et on a découvert des tas de pépites sur cette activité grâce à ça. Oui, et vous nous faites revivre un personnage dont je ne cesse de me satisfaire de son nom. Il s'appelle Périclès Zarifi. Et Périclès Zarifi était donc un de ces grands investisseurs qui, dites-vous, a investi plus de 70% du total de ses actifs industriels en Méditerranée, ce qui n'est pas rien dans ces années, au tournant des années 1890 et 1910, Xavier Daumalin. Très grand personnage à Marseille, à la fois dans l'industrie, mais aussi dans l'art, puisqu'il achetait énormément de produits artistiques, d'œuvres, de collections, etc. D'œuvres, pardon, le mot m'échappait. Mais c'est aussi un personnage qui investissait directement des sommes importantes, ou alors dont l'autorité morale permettait de réunir un tour de table pour engager des investissements dans une innovation. Donc c'est véritablement un personnage clé de ces années-là qui est très important à Marseille. Et d'autres Grecs que l'on croise et qui se prénomment Polybe, et on se dit c'est formidable. Exactement. Cette Grèce qui jusqu'en Méditerranée, jusqu'à Marseille, donne à ses enfants des prénoms de héros et d'auteurs de Grèce antique. Merci encore à tous les deux, à vous Xavier Daumalin, à Fabien Bartolotti. Merci. Fabien Bartolotti, merci votre thèse, c'est pour dans combien de temps? Oh, j'espère soutenir à l'automne 2019, mais bon, je reste restons modeste. Voilà, merci, surtout modeste. Oui. Merci, et donc on peut vous lire effectivement aussi dans des articles que l'on trouvera sur les sites, très bons sites, que ce soit Cairn, revue.org ou encore Percé. Merci à vous Xavier Daumalin, votre thèse, votre travail sur le patronat marseillais publié aux Presses universitaires de Provence en 2014. Jean-Michel Minovez, votre industrie invisible avec ce très beau titre et publié aux éditions du CNRS. Et il faut saluer le travail de Robert Guédiguian avec d'autres historiens de Provence en particulier, qui sont nombreux, avec Gérard Lédé. Ça vient de paraître aux éditions de l'Atelier, ça s'appelle Marseille Port d'Attache, un très beau livre avec beaucoup de photographies justement sur ce qu'a été l'importance commerciale et industrielle de cette ville de Marseille. Mais d'où viens-tu, toi qui contestes? D'ici, c'est pour longtemps. Le grand capitalisme nous a commis dans un accueil horrible. un titre de Dupin, Port de Bouc, Dupin qui participait avec d'autres grands groupes de néo-occitanisme marseillais au documentaire que vous pouvez réécouter. Formidable documentaire donc de Péroline Barbet et de Séverine Cassard sur ces musiques réinventées, ces réinventions de tradition. C'était hier dans la fabrique. Allez sur le site fabrique franceculture.fr. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marseille et Francesca Fossati. Bruno Gagnère Fontani nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Maintenant, il va en permanence, il nous grandit, il de la vie.